Je n'arrive pas à dormir, poteau, j'ai la tête remplie de problèmes. Je passe à mes frères en tol et je me bats pour rester le maître. Combat ton mal, ne te laisse pas aller. T'inquiète pas, ça va aller. On rêve tous de s'en aller. T'as fait pas, ça va aller. Si t'as fait ce qu'il fallait, rien ne sert de râler. Si la dissonance est salée, ne t'as fait pas, ça va aller. Si t'as fait ce qu'il fallait, rien ne sert de râler. Si la dissonance est salée. Ne t'en fais pas, ça va aller. Je peux que descendre. Tu crées des jaloux, tu peux te faire des cendres. Y'aura même plus ton corps, y'aura que tes cendres. Chez nous c'est chaud, en plein mois de décembre. C'est comme une musique, on vous brûle à l'essence. On monte en puissance, on fait taire les balances. Pour toucher des pulsions, je repense à mon enfance. Pas de piston, tout seul on avance. Rappelle pas fiston, petit fils d'up. On veut tout prendre comme dans un hold-up. Y'a plus de potes, on vous pousse sur la mer. Si tu traînes en bande, on tire sur la mer. Je rentre jamais sa méga. Ça consomme à la vie, toujours un méga. Ça sort le fer de Mandagaga. Les petits mitraille pour du taga. Un balanciaga, ça fait des bracos. Chacun pour sa peau. Plein de coco, ça joue les Renato. Ça se rafale dans le dos. Ça donne des go. Quand c'est pété, ADN sur mes go. Ils resserrent les taux, je crache sur l'état. Je suis un fumet, crap à dans Julieta. Des sans au ghetto, nique l'état, vis guetta. Ta carotte est au pot pour ton rug en bêta. Ne t'en fais pas, ça va aller. Si t'as fait ce qu'il fallait, rien ne sert de râler. Si l'addition est salée, ne t'en fais pas, ça va aller. Si t'as fait ce qu'il fallait, rien ne sert de râler. Si l'addition est salée, ne t'en fais pas, ça va aller. Rien ne sert de râler. Ne t'en fais pas, ça va aller. Rien ne sert de râler. Démarche, perds fort, je me décide enfin. J'arrive au studio, ouais, les croix enceintes. Droite, gauche, dans le toit, t'es déjà à terre. On l'a fait plus d'une fois, tu vas pas nous la faire. Tu veux refaire qui? Tu gères le faire toi. Bang, bang, rafale dans les doigts. Au fond, tu nous croyais pas. On arrive près de chez toi, si tu nous voyais pas. Ça fait des 6 mois, après ça se fait pas le mal. Gros, gros coup de toi, si tu parles mal. Pas besoin de ton air, pas besoin qu'on me parle. Le son, il vient du trap, le produit, il est tard. C'est quand même musique qui parle, ils sont pas prêts. D'abord, on sort les armes et puis on parle après. On serait bien en bolide noir ou blanc nacré. S'il y a des clients de ces potos, on sort la craie. On malade, on les fait cabrer. Ceux qui voulaient tester, les jaloux diront c'est pas vrai. Je leur retourne pas les restes, tournerai jamais la veste. Pour les frérots, certains M sont du texte, le flow 0. 1-3-2-0, kamikaze, poteau. Depuis l'époque du stade dans la caisse, on est hal, poteau. J'ai pas changé. Depuis l'époque de la cave, je rentre toujours pour les braves. Et ça, ils le savent, poto. Poto, la prose est bonne, pas de flot décalé. Sur le béton, y'a pas de rose, tu veux la guerre d'aller. Je vois les grosses qui passent à bas, les voyous qui sont prêts à tout pour la monnaie. Mettre la cagoule, n'oublie pas que tu peux canner. Mon Dieu, seulement des fois, je veux ça mal aimer. Trop m'en fait du mal, je ne veux plus les aimer. Je mets le froid au sol quand j'envoie les meilleurs. On fait ruper la clé de sol, les potos pour que driver. À mes réserves, j'ai pissé. Et un jour, nous serons acquittés. Et ensemble, nous sauverons l'humanité. Et alors, le Seigneur nous l'a demandé. Ne t'en fais pas, ça va aller. Si t'as fait ce qu'il fallait. Rien ne sert de râler, si l'addition est salée. Ne t'en fais pas, ça va aller. Si t'as fait ce qu'il fallait.